بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 99 94 كاستيون عفوا. سئل شيخه رحمه الله عن هذه العبارات: هذا زمان أقشر، أو الزمان غدار، أو خيبة الزمان الذي رأيتك فيه. Donc il fait interroger l'auteur رحمه الله تعالى à propos de certaines expressions, comme le fait de dire c'est un temps aride, ou c'est un temps traître, ou ce temps est un échec. Fiad al-Ma'ana. فأجاب رحمه الله: هذه العبارات التي ذكرت في السؤال تقع على وجهين. Donc il a dit, ces expressions que tu as citées dans la question sont de deux sortes. الوجه الأول أن تكون سبا وقدحا في الزمن فهذا حرام ولا يجوز، لأن ما حصل في الزمن فهو من الله عز وجل، فمن سبه فقد سب الله، ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي أو بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. Donc il a dit, la première sorte c'est que cela est une insulte et une offense envers le temps. Et cela est interdit. Cela n'est pas permis. Car ce qui se passe dans le temps, cela provient d'Allah Azzawajal. Donc celui qui se met à insulter le temps, c'est comme s'il avait insulté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que Allah, dans le hadith Qudsi, il dit que le fils d'Adam m'offense. Il insulte le temps, et c'est moi le temps. Le décret est dans mes mains, c'est moi qui contrôle le jour et la nuit. C'est-à-dire que le temps est sous le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. والوجه الثاني أن يقولها على سبيل الإخبار فهذا لا بأس به، ومنه قوله تعالى عن لوط عليه الصلاة والسلام وقال هذا يوم عصيب أي شديد. Et l'autre sorte par rapport à cette expression, la deuxième sorte, c'est que cela est juste une information. Donc cela n'y a pas de mal, c'est juste une information, cela n'y a aucun mal en cela. Comme Allah Azza wa Jal a dit à propos de Lot, alayhi salatu wa salam, dans surat Hud, verset 77, dans le sens où il dit, et que Lot, il a dit, c'est un jour difficile. C'est-à-dire le jour où les anges sont venus vers son peuple, c'est-à-dire pour les châtier. C'est un jour difficile. Wa kullu an-nas yaqulun hadha yawmun shadid wa hadha yawmun fihi kadha wa kadha min al-umur wa laysa fihi shay. Car tout le monde le dit, aujourd'hui c'est un jour difficile, aujourd'hui c'est un jour où il y a telle et telle chose. D'accord, et cela ne contient aucun mal. Amakul hadha zaman ghaddar fa hadha sab lian al ghaddar sifatu dhamm wa la yajuz. Quant au fait de dire ça c'est un jour traître, alors cela est une insulte, car la traîtrise est un attribut de mal, c'est une chose qui est mauvaise, donc cela n'est pas permis. Wa qul ya khaybat al yawm alladhi ra'aytuka fihi idha qasada ya khaybati ana فهذا لا بأس فيه وليس سبا للدهر وإن قصد الزمن أو اليوم فهذا سب لا فلا يجوز. Quand au fait de dire ce jour est un échec, alors si jamais la personne vise par là son échec à lui, que ce jour-là il a échoué dans telle et telle chose, alors il n'y a pas de mal. Mais si c'est le fait de dire que ce jour en lui-même est un échec, alors cela est une insulte et cela n'est pas permis. Non. Et ça c'est un bête, vous allez trouver dans le Kitab al-Tawhid, سب الدهر. Et le dahr dans le hadith où il dit Allah أنا الدهر بيدي الأمر وقلب الليل والنهار. Le dahr n'est pas un des noms d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas un de ses noms. Mais il informe qu'en fait, comme le dit le hadith à la fin, que c'est lui qui contrôle le temps en fait. Naam. السؤال الخامس وتسعين 95 question. سئل رحمه الله فضيلة الشيخ بعض الكتاب يقول إن القدر يسخر منا في كذا وكذا مثلا هل يجوز هذا القول. Donc il était interrogé que certains écrivains, que ce soit des journalistes ou des chroniqueurs ou je ne sais quoi, ils disent que le destin se moque de nous dans telle et telle chose, par exemple. Est-ce que cela est permis de dire cela ? فأجاب رحمه الله تعالى لا يجوز للإنسان أن يقول هذا القول لأن القدر تقدير الله عز وجل وتقدير الله كله حكمة. Donc il a dit l'auteur, cela n'est pas permis. Car le destin, c'est ce que Allah Azza wa Jal a prédestiné. Et il est entièrement sagesse. Ce que Allah a prédestiné n'est que sagesse. نعم يسخر الله من بعض الناس كقول الله تعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم. Par contre, oui, en effet, Allah Azza wa Jal se raille de certaines personnes, comme dans le sens où il dit, et il se moque d'eux, Allah se moque d'eux. Le désaveu, verset 79. Et attention, Allah se moque de ceux qui se moquent. C'est une sifat, yani, bi muqabala, c'est-à-dire que Allah agit de la sorte avec ceux qui agissent de la sorte. Et non pas dans l'absolu. لكن القدر من حيث هو قدر ليس سخرية كله حكمة وكله موافق للصواب وكله جد لكن من سخر الله سخر بالله وبأولياء الله سخر الله منهم. Donc il a dit le qadar en lui-même n'est pas une moquerie, il est entièrement sagesse et ne concorde qu'avec ce qui est correct et il est sérieux de son début à sa fin. Cependant, celui qui se moque d'Allah ou de ses rapprochés, de ses alliés, alors Allah se moque d'eux. ومن سخرية الله بها أولئك أنهم يظنون أنهم يحسنون صنعا كما قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Mais parmi la moquerie d'Allah envers ces gens-là, c'est que en fait, ils pensent qu'ils font du bien alors qu'ils font du mal. Ils s'imaginent faire du bien. Et Allah les laisse faire. Dans le sens où il dit, et si jamais ils reviennent vers leur shayatin, ils diront, nous sommes avec vous, nous ne faisons que nous nous moquer d'eux, c'est-à-dire des croyants. En faisant double face. Devant les croyants, il faut croire qu'ils sont avec eux. Et quand ils retournent vers leur shayatin, ils disent, on se moque d'eux, nous sommes avec vous. Donc Allah se moque d'eux et les délaisse dans leur égarement aveuglé. La vache, verset 14 à 15. Donc voilà ce que nous avons pris aujourd'hui parmi ces deux questions. Walhamdulillah rabbil alamin.